Ézéchiel chapitre 40. En la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, au 10e jour du mois, la 14e année après que la ville fut prise, en ce même jour la main de l'Éternel fut sur moi, et il m'amena là. Il m'amena donc, par des visions de Dieu, au pays d'Israël, et me posa sur une montagne fort haute, sur laquelle, du côté du midi, il y avait comme le bâtiment d'une ville. Et après qu'il m'y eut fait entrer, voici un homme qui, à le voir, était comme qui verrait de l'airain, lequel avait en sa main un cordeau de lin, et une canne à mesurer, et qui se tenait debout à la porte. Et cet homme me parla, et me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à toutes les choses que je m'en vais te faire voir, car tu as été amené ici, afin que je te les fasse voir, et que tu fasses savoir à la maison d'Israël, toutes les choses que tu t'en vas voir. Voici donc une muraille au dehors de la maison tout à l'environ. » Et comme cet homme avait en la main une canne à mesurer, longue de 6 coudées, chaque coudée étant d'une coudée comme une paume, il mesura la largeur de ce mur bâti, laquelle était d'une canne, et sa hauteur d'une autre canne. Puis il vint vers une porte qui regardait le chemin tendant vers l'Orient, et monta par ses degrés, et il mesura l'un des poteaux de la porte d'une canne en largeur, et l'autre poteau d'une autre canne en largeur. Puis il mesura chaque chambre d'une canne en longueur, et d'une canne en largeur, et les entre-deux des chambres de 5 coudées, et il mesura d'une canne chacun des poteaux de la porte d'auprès de l'allée qui menait à la porte la plus intérieure. Puis il mesura d'une canne l'allée, qui menait à la porte la plus intérieure. Ensuite il mesura de 8 coudées l'allée du portail, et ses auvents de 2 coudées, ensemble ceux de l'allée qui menait à la porte la plus intérieure. Or les chambres du portail vers le chemin d'Orient, étaient 3 de ça et 3 de là, toutes 3 d'une même mesure, et les auvents de ça et de là étaient d'une même mesure. Puis il mesura de 10 coudées la largeur de l'ouverture de la première porte, et de 13 coudées la longueur de la même porte. Ensuite il mesura d'un côté, un espace limité au devant des chambres d'une coudée de deçà, et une autre coudée d'espace limité de l'autre côté, puis il mesura chaque chambre de 6 coudées deçà, et de 6 coudées de là. Après cela il mesura le portail depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre, de la largeur de 25 coudées, les ouvertures y étaient l'une vis-à-vis de l'autre. Puis il mit en auvent 60 coudées, et au bout des auvents le parvis tout autour du portail. Il avait ainsi des avenues au devant de la porte, et au devant de l'allée qui menait à la porte intérieure, 50 coudées. Or il y avait aux chambres des fenêtres rétrécies, et à leurs auvents, lesquels regardaient sur le dedans du portail tout alentour, et de même aux allées, et les fenêtres qui étaient tout alentour, regardaient en dedans, et il y avait des palmes aux auvents. Il me mena donc au dedans du parvis de dehors, et voici des chambres et des perrons bâtis de tous côtés dans ce parvis, et 30 chambres à chaque perron. Or les perrons qui étaient vers les côtés des portes à l'endroit de la longueur des portes, étaient les perrons les plus bas. Ensuite il mesura dans la largeur du parvis, depuis le devant de la porte qui menait vers le bas, au devant du parvis de dedans et en dehors, 100 coudées, même en ce qui était de l'Orient, et en ce qui était du septentrion. Après cela il mesura la longueur et la largeur du parvis de dehors de la porte qui regardait le chemin du septentrion. Et quant aux chambres, 3 de ça et 3 de là, et quant à ses auvents et ses allées, le tout fut selon les mesures du premier portail, tellement que le portail de ce second parvis de dehors avait en longueur 50 coudées, et en largeur 25 coudées. Ses fenêtres aussi, et ses autres allées, et ses palmes, furent selon les mesures du parvis de dehors la porte qui regardait le chemin d'Orient, tellement qu'on y montait par 7 degrés, et ses allées se rencontraient l'une devant l'autre. Et la porte du parvis de dedans était vis-à-vis de la première porte du septentrion, comme elle était au côté qui regardait vers l'Orient, et il mesura depuis une porte jusqu'à l'autre 100 coudées. Après cela il me conduisit au chemin tirant vers le midi, et voici le portail du chemin tirant vers le midi, et il en mesura les auvents et les allées, suivant les mesures précédentes. Il y avait aussi des fenêtres dans ce portail, et dans ces allées tout alentour, pareil aux fenêtres précédentes, tellement qu'il avait 50 coudées de long, et 25 coudées de large. Il avait aussi 7 degrés par lesquels on y montait, et devant lesquels se rencontraient ses allées, de même il avait des palmes pour ses auvents, l'une de ça et l'autre de là. Pareillement le parvis de dedans avait sa porte vis-à-vis du chemin tirant vers le midi, de sorte qu'il mesura depuis cette porte jusqu'à la porte du chemin tirant vers le midi, sans couder. Après cela il me fit entrer au parvis de dedans par la porte du côté du midi, et il mesura le portail qui était du côté du midi, selon les mesures précédentes. Tellement que les chambres qui étaient, ses auvents et ses allées, avaient les mesures précédentes, et ce portail et ses allées tout autour avaient des fenêtres, et il avait 50 coudées de long, et 25 coudées de large. Et il avait des allées tout alentour, qui avaient 25 coudées de long, et 5 coudées de large. Il avait aussi ses allées vers le parvis de dehors, et des palmacées au vent, et 8 degrés par lesquels on y montait. Après cela il me fit entrer au parvis de dedans la porte qui regardait le chemin de l'Orient, et il y mesura le portail selon les mesures précédentes. Tellement que les chambres qui étaient, ses auvents et ses allées, avaient les mesures précédentes, et ce portail et ses allées qu'il avait tout à l'environ, avaient des fenêtres, et il avait 50 coudées de long, et 25 de large. Il avait aussi ses allées vers le parvis de dehors, et des palmacées au vent de ça et de là, et 8 degrés par lesquels on y montait. Après cela il me mena vers la porte du septentrion, et il la mesura selon les mesures précédentes. Et ses chambres, ses auvents et ses allées. Or il y avait des fenêtres tout alentour, et un portail de 50 coudées de long, et de 25 coudées de large. Il y avait aussi des auvents vers le parvis de dehors, et des palmacées auvents de ça et de là, et 8 degrés par lesquels on y montait. Il y avait aussi des chambres, qui avaient leurs ouvertures vers les auvents qui se rendaient aux portes près desquelles on lavait les holocaustes. Il y avait aussi dans l'allée du portail deux tables de ça, et deux tables de là, pour y égorger les bêtes qu'on sacrifierait pour l'holocauste, et les bêtes qu'on sacrifierait pour le péché, et les bêtes qu'on sacrifierait pour le délit. Et vers l'un des côtés de la porte dehors, vers le lieu où l'on montait, à l'entrée de la porte qui regardait le septentrion, il y avait deux tables, et à l'autre côté de la même porte, qui tirait vers l'allée de la porte, deux autres tables. Il y avait donc quatre tables de ça, et quatre tables de là, vers les jambages de la porte, et ainsi huit tables sur lesquelles on égorgeait les bêtes qu'on sacrifiait. Or les quatre tables qui étaient pour l'holocauste, étaient de pierre de taille, de la longueur d'une coudée et demie, et de la largeur d'une coudée et demie, et de la hauteur d'une coudée, et même on devait poser sur elles les instruments avec lesquels on égorgeait l'holocauste, et les autres sacrifices. Il y avait aussi au-dedans de la maison tout alentour, des râteliers à écorcher, larges d'une paume, fort bien accommodés, d'où on apportait la chair des oblations sur les tables. Et au dehors de la porte qui était la plus intérieure, il y avait des chambres pour les chantres au parvis intérieur, lesquelles étaient aux côtés de la porte du septentrion, et regardaient le chemin tirant vers le midi, et puis une rangée de chambres, qui étaient aux côtés de la porte orientale, lesquelles regardaient le chemin tirant vers le septentrion. Puis il me dit, ces chambres qui regardent le chemin tirant vers le midi, sont pour les sacrificateurs qui ont la charge de la maison. Mais ces chambres qui regardent le chemin tirant vers le septentrion, sont pour les sacrificateurs qui ont la charge de l'autel, qui sont les fils de Tsado, lesquels d'entre les enfants de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour faire son service. Puis il mesura un parvis de la longueur de 100 coudées, et de la largeur d'autres 100 coudées, en carré, et l'autel était au devant du temple. Ensuite il me fit entrer dans le vestibule du temple, et il mesura les poteaux du vestibule, de 5 coudées de ça, et de 5 coudées de là, puis la largeur de la porte de 3 coudées de ça, et de 3 coudées de là. La longueur de ce vestibule était de 20 coudées, et la largeur de 11 coudées, il se prenait dès les degrés par lesquels on y montait, et il y avait des colonnes près des poteaux, l'une de ça et l'autre de là.